Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Bendam Satonga la Bendin Satomama. Bendaya Yanga la Bendi Yangaï. Sidéponi et colote mama. Sidéponi l'emposote mama. Sidéponi achète mama. Mama, si de kaboni bikolo mama, si de bomelinga lipala mama, si de panzelinga fami mama, balia kananga bamela kananga, bakominde koki mangai mama, balobi ponga nazi maladi ya sida, baninga nyonso bakiminga mama. Na lele paya nani mama. Benem sotonga na bendi soto mama. Benda ya yanga na bendi yanga. Sidéponi ekolo te mama. Sidéponi lopo sote mama. Sidéponi ajete mama. Ravage tous les peuples. Il y a peu, l'Europe et l'Amérique accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. À une période récente, l'Asie se disait écartée par le mal du sida. Aujourd'hui, tous ces continents se retrouvent attaqués. Le sida n'y arrête pas sa sinistre course. Toutes les couches de la société sont victimes du sida. Bébés, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ouvriers, bureaucrates, cadres, hommes, femmes, et même les médecins eux aussi. Le sida peut frapper n'importe qui. Le sida peut tuer. Il tue tout le monde qui ne cherche pas à se protéger. Vous, frères et sœurs, qui êtes déjà atteints du sida, ne cherchez pas méchamment à contaminer les autres. Oh, Mawa. Bendem Satonga na Bendi Soto Mama. Bende ya Yanga na Bendi Yangai. Sidéponi ekolo te mama. Sidéponi loposo te mama. Sidéponi achete mama. Malade yon soton bosani mama. Motoazwa maladi balobi sida. Motoazwa fièvre balobi sida. Motoa konda balobi sida. Motoa koufa balobi akoufina sida. Kasibe maladi akala. Ponani ni ton bosani mama. Nzambe nzambe nzambe nzambe. Kaka yon e. Malade yon e wuti wapi mama. Mama, ba malade yon sot un bon sani, mama. Bendam sotonga na bendin soto mama. Benda ya yonga na bendi yangai. Sidéponi ekolo te mama. Sidéponi lopo sote mama. Sidéponi achete mama. À vous les femmes enceintes, à vous qui portez les virus, vous pouvez les transmettre à vos bébés. Il y en a qui ont les microbes, mais ne le savent pas. Mesdames, évitez d'attraper la grossesse lorsque vous savez que vous avez le virus. Si vous vous entêtez, c'est mauvais. Votre bébé risque d'en mourir sous peu. Jeunes, attention, le sida peut vous attaquer. Surtout vous, force vive de la société. Si vous vous laissez tuer, à qui l'avenir des peuples? Évitez les pratiques sexuelles dangereuses. Étudiantes, attention, ne vous laissez pas embarquer par un inconnu. Prenez garde de l'argent que vous recherchez. Il peut vous conduire au danger. Méfiez-vous des partenaires multiples et occasionnels. Jeunes, encore vous, attention à la drogue. La pratique de la drogue peut entraîner le sida. Avec ces aiguilles que vous utilisez en vous droguant. Ne vous droguez pas, c'est très mauvais pour la santé. Maladio yo si dai e kolongo la moto suki na moto ah e ko mimi sa moto va potana nzoto mama e ko le ki sa moto libu mutango yo so mama e ko kondi sa moto a ko mama ke maladio yo si dai toti kabilo kota lokota kanisa liboso ya kolinga. Ata l'union kanisa monke ah. Bendem zotonga na bendim zoto mama. Benda ya yonga na bendi ya gai. Side foni ekolo te mama. Side foni lomboso te mama. Side foni anje te mama. Hey. Mama. Et vous, citoyens, attention aux prostituées. Évitez des partenaires multiples. Et vous, madame, et vous, la citoyenne, exigez de monsieur le port d'un préservatif. Mettez vous-même un produit qui vous protège. Ouvriers, bureaucrates, cadres, à l'atelier, à l'usine, au bureau, dans vos causeries, répandez les messages de la lutte contre le sida. C'est lui qui en sait plus. Renseigne son prochain. Ne vous gênez pas. Le temps passe vite et avec lui meurent chaque jour des victimes du sida. Le bon remède, c'est l'information. Le meilleur remède, c'est de bien se préserver. Ah, Zambé. Maladio yo sida. Maladio yo sida. Nzambe a pensi biso et tungu mama. Mama e. Bendan zotonga na bendin zoto mama. Benda ya yonga na bendi yangai. Sidefoni e kolo te mama. Sidefoni lomposo te mama. Sidefoni anje te mama. E. Ba mama. E. Boke mae. À la messe, pasteur au culte, rabbin à la synagogue, imam à la mosquée, vous avez tous une obligation, une grande obligation dans la société. Utilisez vos offices pour prêcher ce que la société doit savoir sur le sida. Ne vous gênez pas, c'est de votre devoir. D'aucuns parlent de sida comme étant la punition de Dieu aux hommes, comme ce fut, semble-t-il, le cas de Sodome et Gomorrhe. Dans les temps anciens, demandez à Dieu de nous délivrer de ce mal. Unissez vos prières. Demandez à Dieu de nous montrer le chemin du salut. Ba famille nyon soba kiminga mama. Ponga nazi maladie à sida. Natika liobene na mama nangai.